j'irai pas à votre école. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas me coucher. Ni à vos iPhones, ni à Twitter, Instagram et compagnie. Oh, on n'ira pas. Mais on est là. J'irai pas à vos colonies de vacances. Ah, ni aux colonies tout court. J'irai pas. Brigitte. N'ira pas, non. Mais c'est l'émission de radio. Eh oui, c'est quelle émission de radio? Sur Radio Dio. Mais ce serait pas J'irai pas? Ce sera J'irai pas, ouais, au 89.5 FM. Salut. Salut. Bah, on est le premier mercredi du mois, c'est ça? Mais ça, tu vas le dire dans l'intro, alors là, c'est juste pour régler nos micros. Hein. Ouais, tu t'entends bien? Bah, moi, je sais pas si je m'entends, mais moi, je t'entends bien. Toi, tu m'entends bien? Ouais. Bon, auditeurs, auditrices, vous nous entendez bien? J'ai rien entendu. Bah, ils sont pas venus, ah, je crois. Ah, c'est ok, bon, ben voilà, elles sont derrière leur poste, ouais. Ou derrière leur ordinateur. Sur radiodio.org ou sur le 89.5 FM. Ouais, et puis peut-être bientôt une prochaine fois en direct sur Radio Super sur le livre à Forez. Et peut-être bientôt en différé sur RDWA, Radio RDIWA, dans le DIWA, dans la Drôme. Nickel. Mais bon, il y a encore quelques petits problèmes techniques à résoudre. Mais vous, en tout cas, Stéphanois, Stéphanoise. Vous nous entendez bien normalement? Normalement. Si, bon, en tout cas, nous, on s'entend. Et bah, c'est Aline et Dédé qui sont autour des micros pour aujourd'hui. Et voilà, on est le 5 février. Bonjour. Il est 16h33 sur l'antenne. Et un mois de plus s'est écoulé depuis la dernière émission J'irai pas. T'as passé un mois à lire les sondages qui disent que 57% des jeunes Français sont prêts à rejoindre les rangs de l'armée en cas de guerre. T'as lu la lettre du 19 janvier adressée aux gendarmes de la part du directeur général de la gendarmerie nationale qui dit qu'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. T'as vu les faits divers d'attaques de commerce à l'arme automatique à Besançon. Quand tu anticipes que toutes les armes qui ont été distribuées à l'Ukraine vont regarnir les placards de tous les réseaux louches d'Europe, quand t'as passé ton mois à alimenter ton angoisse dans le bouillon militariste qui n'en finit plus de rôtir ce qu'il reste d'humanité, coincé dans les barbelés médiatico-guerriers, parqué dans les camps de réfugiés ballottés du sud au nord ou du nord au sud au gré des bombardements qui lézardent le ciel, qu'ils soient les missiles guidés par l'intelligence artificielle ou tout aussi implacablement et rigoureusement planifiée par l'intelligence de l'économie mondialisée, au hasard, l'appât du gain et le pouvoir sur les mines de coltan. Oui, la Palestine est ratiboisée, l'Europe avec l'Ukraine tremble par la menace que représente la centrale nucléaire la plus grosse du continent au milieu d'un conflit explosif, la centrale de Zaporijjia. Le Yémen et le Soudan sont à feu et à sang, et ça serait une insulte que de dire que la RDC s'embrase ces derniers jours, alors que ça fait 30 ans que des millions de personnes périssent ou sont déplacées pour le contrôle de matières premières nécessaires à l'abrutissement numérique de l'Occident. Voilà, t'as passé ton mois entre les décomptes froids de l'actualité et les déclarations fiévreuses des pantins, des marchands de canons, qui ne feignent même plus de travestir leur slogan, à savoir « Si tu veux la guerre, prépare la guerre et fais chauffer la poudrière ». Voilà, t'as passé ton mois dans cette soupe nauséabonde et maintenant, on est le premier mercredi du mois, et comme tous les mois, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de raison d'exister, c'est « J'irai pas » de 16h30 à 17h30, une émission antimilitariste sur le 895, sur la bande FM et sur radiodio.org. Alors même si chaque mois, on espère qu'elle n'aura plus de raison d'exister, on se dit que ça va pas se faire tout seul, hein, la fin du militarisme. Allez, c'est peut-être pas l'émission de la joie de vivre, mais il y a quand même quelques raisons de se réjouir. Parce qu'ici ou là, des groupes ou des individus comprennent que la guerre se fabrique aussi près de chez nous, matériellement ou idéologiquement. On entend par exemple que le samedi 8 février, il y aura une manifestation à Clermont, à 15h, place de Jode, contre la guerre en Palestine. Mais aussi le même jour, il y aura une vélorution antimilitariste à Grenoble. Et d'ailleurs, on entend que ça se bouge toujours aussi du côté du collectif Stop Micro, qui lutte contre les fabricants de puces électroniques, à savoir l'usine ST Microelectronics. On apprend aussi qu'à Toulouse, les 4, 5 et 6 avril, se tiendront des rencontres antimilitaristes. Alors le programme n'est pas encore dévoilé, mais on peut s'attendre à entendre parler d'Airbus, Ariane, etc., des grosses entreprises de l'armement bien implantées à Toulouse. On aura peut-être plus d'infos sur le site intitulé Information anti-autoritaire Toulouse et alentour, donc iaata.info. Et plus proche d'ici, on a aussi des choses intéressantes, à savoir par exemple des distributions de tracts. Comment ça, c'est anodin ? Bah, si c'est si anodin, si c'est si facile, pourquoi n'y en a-t-il pas plus souvent ? Plutôt que rien, ou plutôt qu'un tweet, condamné à rester dans sa bulle numérique. Alors je reprends, des tracts. Par exemple, il y a eu une distribution la semaine dernière en direction des employés de Safran, je crois, à Roche-la-Molière, une boîte qui a eu des accointances avec Israël. Et il y a eu aussi la nuit de l'orientation à Lyon, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie, où des noctambules, qui voulaient s'orienter probablement, se sont invités, armés simplement de la critique en acte, à savoir leur présence, et aussi quelques tracts, dont voici le texte. Il est titré « Que fait l'armée à la nuit de l'orientation organisée par la CCI ?» Une fois de plus, l'armée est présente à la nuit de l'orientation afin de recruter des jeunes en quête d'un avenir. Mais tout à l'heure, opération de séduction et de propagande, les recruteurs oublient les choses qui ne sont pas à l'avantage de l'armée. Avoir des frères d'armes pour famille, ça c'était les slogans qu'on voit dans les panneaux de pub. En 2016, 12% des militaires ayant participé à une opération militaire extérieure souffraient de troubles psychiques. Entre 2012 et 2021, 2606 militaires ont été déclarés souffrant de stress post-traumatique. Ces chiffres concernent tous les engagés, combattants ou non. Partir où personne ne part, encore un slogan. Le livre Mauvaise troupe, paru en 2019, montre que le nombre de soldats poursuivis en justice pour désertion était d'environ 2000 par an. Les causes sont variées, mais nombre d'entre eux se sentent floués par le décalage entre le contenu et de la propagande de l'armée et la réalité du métier de soldat. Celui-ci passe plus de temps à patrouiller à la gare de la Part-Dieu qu'à sauver la patrie à l'autre bout du monde. « Ma volonté sera tout terrain pour être le moteur de la paix. » Ben voyons, encore des slogans militaristes. Le métier de soldat, c'est avant tout apprendre à obéir aux règlements, aux ordres de l'État. Or cet État, dans ses OPEX, opérations extérieures, ne défend pas forcément les intérêts des populations civiles. L'actuelle intervention au Mozambique pour protéger les intérêts des sociétés Total et Shell, tout comme l'opération clandestine Sirli pour aider la dictature égyptienne à liquider les opposants, en sont des exemples récents. La CCI de Lyon et le cluster Eden, complices de massacres, de guerres et de violations d'embargo. La CCI Lyon-Roanne-Saint-Étienne, qui organise la nuit de l'orientation, a d'autres orientations aussi discrètes qu'inquiétantes. Elle a créé et finance le cluster Eden, lobby de l'exportation pour les PME régionales de l'armement. Or, il se trouve que plusieurs entreprises du cluster ont été épinglées pour avoir vendu des matériels militaires à des régimes autoritaires et ou en violation d'embargo, comme Metravib Défense, qui équipe les blindés émiratis, utilisés par les criminels de guerre des FSR dans la terrible guerre civile qui ravage le Soudan depuis 2 ans, Nobel Sport, à Anneyron, a vendu, en dépit de l'embargo, des munitions et armes aux forces ivoiriennes coupables de massacres de civils à Abidjan. Quant à sa société sœur Chedid, ses cartouches de chasse ont été tirées par milliers en 2022 sur les Iraniennes et Iraniens du mouvement Femmes, Vie, Liberté, causant mutilations et morts par centaines. Vernet Caron Lebel, à Saint-Étienne, a vendu au Sénégal son lanceur de grenades 56, une arme de guerre massivement utilisée dans la répression sanglante de l'opposition. 23 morts en 2023. Nico Matic, en Haute-Savoie, a triplé en 2023 ses exportations illégales de matériel électronique à usage militaire vers la Russie, en passant par sa filiale chinoise. Elister, à Dardilly, a vendu en 2023 des drones militaires au service de renseignement russe, comme le révèle l'enquête du journal de France 2 du mercredi 4 décembre 2024. Alors voilà vers quoi s'oriente la CCI, quoi. Alors le tract, il continue comme ça. Une CCI qui veut faire toujours plus de fric en fliquant les populations. La CCI, Chambre de commerce et d'industrie, a pour projet d'installer à Écully, autour de Lyon, un hub européen de la sécurité globale pour créer une Silicon Valley de la sécurité alliant recherche, formation et production pour les militaires, la police et la sécurité privée. Ce projet n'a qu'un but, faire des profits en utilisant les peurs issues des crises existantes, sociales, sanitaires, politiques, écologiques et internationales, en prétendant les combattre. Fournir à ces entreprises et États encore plus de moyens de surveillance et d'agression ne répond pas aux problèmes, il les aggrave partout en détruisant la planète et ses habitants. Les exemples ci-dessus prouvent l'immoralité de ces industries dont la disparition serait une bénédiction pour l'humanité, l'environnement et le vivant dans son ensemble. Nous dénonçons donc l'opération de propagande et la présence de l'armée à cette nuit de l'orientation, ainsi que la stratégie économique militaro-sécuritaire de la CCI qui l'héberge. Plus globalement, nous nous opposons à toutes celles et ceux qui attisent les guerres et les massacres partout dans le monde et les considèrent comme autant d'opportunités économiques sous prétexte de nous défendre. Refusons le militarisme et le bourrage de crâne des armées auprès de la jeunesse. Les guerres se fabriquent près de chez nous. Refusons d'être complices. Big Brother veut s'installer à Écully. Luttons contre la CCI. Et c'est signé de la coordination régionale anti-armement et militarisme. Voilà, un peu long peut-être à lire le tract, mais éclairant. Un bon pavé dans la mare. Voilà, c'est ça. Qui a dû faire grincer des dents du côté de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est ça, peut-être qu'ils en a. Ouais, il semblerait qu'ils en aient un peu marre de la mauvaise pub autour de la justement de leurs accointances avec les militaristes, quoi, avec les entreprises d'armement. Ah bon, mais... il faut arrêter alors. non. Ok. C'est plutôt un encouragement à continuer. Oui. Ça veut dire que ça fait sens. Ça fait sens de le faire, quoi. J'ai l'impression que, voilà, de simples tracts, hein, même si ça peut paraître anodin, de simples tracts et une présence dans leur salon feutré, en tout cas, fait vivre des idées, quoi. Et voilà, moi, je trouvais que ça avait du sens d'en parler, quoi. Oui, puis on a dû intéresser toutes les étudiantes et étudiants qui allaient là pour s'orienter. Et bien, du coup, c'est une bonne désorientation intéressante. Ouais. Et ben justement, vu qu'on parlait des jeunes voilà, en quête d'orientation, le tract il parle de ce livre Mauvaise troupe dont on avait eu l'occasion de parler aussi, qui parle de la jeunesse. Et ben on va faire parler un vieux, mais qui a été jeune lui aussi. En octobre, dans cette même émission, on avait fait une première partie, une première partie d'une interview d'une personne qui a fait son service militaire dans les années 70. Et du coup, là, il y avait l'envie de faire la suite, quoi. Et alors, pour recontextualiser, lui, il a fait donc son service dans les années 70, mais en Allemagne. Alors, pourquoi ? Parce que en fait, à l'époque, il y avait des casernes françaises en Allemagne qui étaient occupées par plusieurs États qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et donc, dans les trois premiers extraits qu'on avait passés, il nous disait que les classes, donc où la période d'entraînement et d'embrigadement au tout départ de la conscription, enfin, ouais, quand t'étais appelé, quoi. La période de formation, quoi. Ouais. Formation des appelés du contingent, ouais. C'est ça. Formation, formatage, quoi. Du coup, lui, il nous rappelait que ça sert à casser les gens, quoi. Dans le deuxième extrait, il nous montrait comment on apprenait à devenir un homme avec brimade et humiliation, hein, si on suivait pas le diktat de l'armée, on était pédé, ou on était, enfin voilà, les insultes y allaient bon train. Et l'extrait 3 était un peu plus joyeux, il nous expliquait que ça ne leur a pas empêché de foutre le bordel avec quelques exemples de bordélisation qu'ils ont pu faire. Voilà. Et ben on va lancer la suite. Deux petits extraits pour commencer, qu'on écoute maintenant quand j'aurai allumé. Ouais, c'est bon. Nous, on a eu écho en France. En France, il y avait la contre la loi de Bray par rapport à l'armée, je ne sais pas exactement. Rallongement de Bray à l'époque, voulait rallonger le temps de service militaire. Beaucoup de lycéens sont bougés là-dessus. Et les trotskistes, ils ont lancé les comités de soldats. Mmh. Tu sais, le truc, un pseudo syndicat de soldats. Mmh. On a décidé la caserne, non. Non. Pas syndicat chez nous. Ben, attends, on dit quoi ? Interne armée, faut être bien traité. Attendez, on ne dit pas. On veut refuser l'armée, c'est tout. Voilà. Tiens, le mec, comité de soldats. En plus, il y a j'ai eu une lettre des copains, des Français. Ils me disent est-ce que tu peux aller venir en France manifester pour l'IP à l'habit d'un soldat. T'es marteau, quoi. Tu vois. Et à l'IP, les soldats, le comité de soldats, manifestaient en habit de soldat. Attends, je comprends pas en fait. Tu peux expliquer plus ce que c'est ce dont tu parles là ? Mais là, à l'IP, donc le. Comment ça s'appelle ? L'usine de montre. Ouais. Et il y a une grande manif en. Je sais pas quel mois. Il y avait une grande manif avec les ouvriers. Certains gauchistes, ils voulaient faire l'union avec les soldats et les ouvriers grévistes contre le capitalisme. D'accord. Mais donc, toi, c'était près de là où tu étais à ce moment-là ? Non, pouvais venir. J'ai reçu la lettre de quelqu'un qui dit il y a ça, tu peux venir. Voilà, c'est tout. Okay. J'ai refusé. Ah voilà. Oui, parce qu'en fait, ils demandaient d'être la caution voilà. De l'armée, voilà. Non, des militants de l'armée. Voilà, militants de l'armée. Donc d'accord. Moi, je. Non. Non, non. Fait un texte à plusieurs parce que pour expliquer par exemple 73-2, les gens 73-2, ils devaient être libérés à tel jour à Strasbourg. Donc j'envoie à quelqu'un en France, je dirais après qui. Pour dire, c'est bien. Quelqu'un en France, un texte fait par tout ce groupe-là, les gens qui bougeaient depuis le début, Et on envoie un texte pour distribuer ce texte à la gare de Strasbourg. Là, les gens arrivent en train, à la gare de Strasbourg, distribution. Et en plus, ce texte-là a été distribué à la gare de Paris. Mmh. Paris, c'est les gens, les anti-militaristes, alors certains anti-militaristes et militaristes autonomes, des fois c'est maoïste. Ils ont foutu efficacité, voilà, efficace. Et ils distribuaient à la gare, empêchés au CRS, par la CRS sur les voies. Aux soldats qui partaient en Allemagne, des tracts. D'accord. Voilà. Tu vois ? Bon, voilà. Et clandestinement, bien sûr, t'imagines, peu contre l'armée, dans un. On prenait le système qu'ils ont employé par rapport à la guerre d'Algérie, tu vois ? Pour diffuser les gens, taguer les wagons, enfin voilà. Voilà. Donc, Lors de l'arrivée de la gare, je n'ai pas vu parce que j'étais en prison. Pour expliquer, grosso modo, c'est pas important, pas si. Il y avait un copain qui a craqué le dernier jour, craqué sinon complètement. Tout le monde, les cons, les soldats quoi, l'appelait. Il gueulait, enfin, ivre mort, vive la qui, enfin, foutait quoi. Moi je m'en foutais. Bon, tout le monde, ouais, c'est bien, demain on part, nanana. Et truc chelou quoi, enfin, truc style roulour quoi. Un an près de l'armée, tu es un homme quoi. Vite la fille, la qui quoi. Mmh. Ah. Et le mec il craque. Il parce gueule. Que lui il partait avec eux ou parce oui, qu'il restait. Oui, il partait. Mmh. Il gueule, vive la qui. Bon, le gradé arrive. Bon, je m'en. Bon, je vois le mec. Il va dire, c'est lui. Donc le gradé demande. Mais pourquoi c'est interdit de dire oui, vive la qui? Oui, oui, interdit. Oui, interdit. Parce que. On avait tellement foutu le bordel. Il voulait pas ça dégénère. Si on balance les lits par les fenêtres, ça, il voulait pas parce que il savait que c'est une ébullition quoi, un truc assez. Il fallait pas que la température monte voilà. Mmh. Et donc moi je dis au gradé, je dis c'est moi qui ai gueulé, finalement qui. Donc j'ai fait quelques jours en plus. Donc c'est ça la forteresse que tu disais ouais. Quand tu étais en prison. Non, j'étais en prison. Et voilà, il n'a pas pu distribuer les tracts, il était en prison à ce moment-là. Eh ben, c'est des choses qui arrivent quand... Mais bon, les tracts ont été distribués quand même. Voilà. On peut s'y poser. Une histoire de tracts aussi qui nous semblait intéressant de raconter. Mais voilà. Du coup, à cette époque-là, voilà. Bah oui, donc à suivre la dernière partie de l'interview de ce vieux camarade qui a été jeune. Ouais. Interviewé par cette jeune camarade qui est toujours à peu près jeune, qu'on va appeler Dédette. Hein. Ouais. Merci pour cette interview. Ouais, c'est clair, c'est hyper précieux. Ouais. Et du coup, toi, tu avais envie de nous chanter une chanson. Ah, mais allez, c'est le moment. Bah, ouais. Allez, donc il me semble. Hein. Je me lève, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Une chanson qui parle de, bah, justement de désertion ou de refus, bah, tiens, comme par hasard. Comme si on avait préparé l'émission. Mais oui, bah, ça, écoute, ça tombe comme ça. C'est une chanson de Jean-Yann, mais j'ai rajouté un petit peu un final qui est un hommage à Jean-Jacques Demy, un autre antimilitariste. Ça s'appelle « Du pain aux oiseaux ». Moi je donnais du pain pour les oiseaux, je ramassais le chien qui buvait au ruisseau. J'étais riche d'amour, beaucoup plus que d'argent, mais je riais de tout et n'avais pas 20 ans. Si je refusais Dieu qui me refusait tout, c'est sûr qu'entre nous deux je tenais le bon bout. Lui qui ne donnait rien mais voulait qu'on le prie, moi qui donnais l'amour sans rien d'autre en retour. Un matin vint chez moi, beauté, vêtu de bleu, celui qui me tendit un papier fabuleux, portant un nom de ville, un nom de régiment, et me donnant le droit de tuer sans châtiment. Pour avoir refusé l'uniforme à mon dos, à 20 ans dépassé, j'ai passé le falot des hommes médaillés du bas-ventre au képi, pour ce fait on jugeait que j'avais mal agi. Le falot, c'est le tribunal militaire. Moi qui rêvais de ciel et de bateau, me voici enfermé au fin fond d'un cachot. Ma cellule est bien triste et n'a pas de hublot, mais au mur un artiste a gravé quelques mots. Je chanterai encore et chanterai toujours, car même si la mort ou le manque d'amour font tomber le malheur ou la terre sur mon dos, j'ai donné tout mon cœur et du pain aux oiseaux. Car même si la mort ou le manque d'amour font tomber le malheur ou la terre sur mon dos, j'ai donné tout mon cœur et du pain aux oiseaux. Voilà, c'était ouais. Du pain aux oiseaux. Une merci. Petite chanson dans le ton de l'émission, j'espère. C'est raccord, c'est bon ? Bah, c'est carrément okay. Raccord. On avait fini l'extrait avec quelqu'un qui était en prison. Justement, parce qu'il voulait dénoncer l'armée. Et on continue avec cette chanson. Merci beaucoup, Aline. Mais à suite de l'interview. Allez, on envoie. côté. Et toi, pourquoi tu étais contre l'armée? Je supporte pas l'autorité, c'est tout. C'est tout. Enfin, bah, j'aime pas la couleur. J'ai un kaki et j'aime pas l'autorité, j'aime pas être commandé. En plus, moi, l'armée, en plus, en Allemagne, je comprenais pas quoi, emmerder les Allemands, quoi. Pour moi, c'était. Pourquoi on est là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Les Allemands, ils ont perdu la guerre, c'est vieux, bon, c'est bon. Hein. On n'a pas vécu ça, on s'en fout, quoi. On savait que. Mais les histoires de nationalisme, de protéger sa patrie et tout ça, t'en pensais quoi? C'est des conneries, quoi. Non, mais. Ben, c'est. Donc, quand vous voyez que l'affiche, par rapport au char russe, qui on va attaquer à la France, pourquoi pas, au moins, on va être débarrassé plein de cours. Ça, la guerre, on s'en foutait, moi. On s'en foutait parce que faut bien se mettre dans l'idée, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui s'en foutaient, quoi. La patrie, nationalisme. Vraiment, on n'est pas dans ce truc-là, quoi. Toute la jeunesse d'années 70, 71, 72, beaucoup de jeunesse était complètement ailleurs, quoi. Voilà. Ben, on a vécu quand même la guerre d'Algérie, donc les conneries, quoi. Et en plus, on sortait de 68, même les petits villages, ils ont vu que ça a bougé, quoi. C'est l'autorité impossible. On voulait pas être commandé. Et en plus, l'époque, il y avait les cinémas, les films, comment ça s'appelle, grand public, étaient politisés. Vraiment. Par exemple, en 75, après l'armée, il est sorti un film avec Jacques Brel sur la bande de Bono, tu vois, pour dire grand public, en fait, vraiment, hein. Donc, c'est possible des discussions dans la salle, quoi, tu vois. Bon, les films n'étaient pas grandioses, mais bon, au moins, on discute, quoi. Et en plus, pour dire que l'époque, un copain que j'ai rencontré bien plus tard, qui est parti des gens qui distribuaient les tracts à Paris, il me dit, j'ai essayé de voir les anarchistes. Putain, il fallait lire Bakounine, plein de gens pour lire. Non, c'est impossible. C'est pas notre truc, c'était les révoltes, quoi. On supportait pas l'autorité, c'est tout. Point final. Et bon, truc unité, comment ça s'appelle, les soldats, slogan à l'époque pour dire, slogan horrible, soldat, sous votre forme, vous restez un prolétaire. Tu vois? Enfin bon, hein, la con, enfin, sous l'uniforme, déjà, tu dégages l'uniforme. En plus, prolétaire, on refusait l'usine. Tu vois? Prolétaire. En plus, on a discuté dans le régiment, enfin, parmi nous, par rapport à l'IP, on occupe, on continue à produire. Ils veulent continuer à l'usine, ils sont cons, quoi. Attends, on discutait de ça, quand même. Il y a plein de gens différents, parce que. Là, c'est récent, bon, intéressant, c'est. Bon, malheureusement, ils ont mélangé les gens d'origines différentes. Les prolos, les paysans, tu vois, les marginaux, bien largués, les voleurs, enfin, tout mélangé, tu vois. Et ça brassait, quoi, tu vois. Mais. Pourquoi tu dis malheureusement? Malheureusement, c'est seulement là, parce que j'ai sorti. C'est toute la journée, le voleur dans son truc, les comment ça s'appelle, l'ouvrier, le jeune ouvrier dans son truc. Et tu vois, Tu veux dire que ce qui était bien, c'est voilà, que l'armée, c'était un moment où tout voilà, le monde tout le pouvait monde était se ensemble, enfin, rencontrer. voilà. Malheureusement, c'est ça, parce que moi, c'était. Je veux pas garder l'armée, voilà, c'est tout. Oui. Hein. J'ai jamais retrouvé le brassage comme ça, parce que à la sortie c'était très cloisonné. Par exemple, nous, on n'a pas travaillé de suite. Beaucoup de copains ne travaillaient pas, ils refusaient le travail. Bon, refusaient le travail, parce ils faisaient trop la fête, ils ne pouvaient pas travailler, quoi. la journée trop fatiguée pour travailler, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, motif. Mais c'est vrai que c'est, toute notre équipe, là, à Zaria, on a discuté avec pas, discuté pas avec les gens qui travaillent, quoi, à l'usine, enfin, difficile à discuter. Bah, pour discuter, rencontrer le, où les gens. En boîte, les balles, les concerts, non. Non. Ça ne fonctionnait pas. Même comme maintenant, hein, je pense. Je sais pas. Je suppose. Voilà. Bon, je sais pas. Hein. Et là, tu dis que tout de suite après ta sortie, tu as rencontré par exemple les gens qui étaient au Larzac, tu as vu un peu. Qui c'était, les gens qui s'opposaient à l'armée, ouais, ouais, de quelle manière, et que ça ne te parlait pas trop. Et plus tard, ouais, dans... plus dans la durée, est-ce que tu as... Ben, oui, on a... Ben, ou qu'est-ce qu'il y a eu, de manière ben, large, là, chaque fois, enfin, à Valence, bon, j'ai vu que Valence, parce que l'épisode quand je suis sorti de Valence, c'est mal, très mal passé. Bref, bref, bon, c'est une autre histoire. Donc à Valence, par exemple, chaque défilé militaire, 11 novembre, 8 mai, défilé, on était un petit groupe, on se couchait dans les défilés, dans les vingtaines. Pour empêcher les défilés qui passent comme il faut. Voilà. Tu vois, c'est un esprit, quoi. À l'époque, c'est comme ça. Mais c'est mélangé avec les syndicalistes, éructeurs, objecteurs, insoumis, tous. Tu vois, on ne voulait pas. Par exemple, nous, je vois les gens, là, quelquefois, ils sont restés copains avec moi, restés éloignés, mais là, on ne supporte pas que les régiments de Valence, ils courent dans la ville. La ville appartient aux gens vivants, parce que eux, leur manœuvre extérieure, on ne veut pas les voir. Les gens qui courent en tenue de sport, avec le spaïd, n'importe quel régiment, hein. C'est insupportable. Moi, c'est physiquement, c'est, je ne supporte pas le, voir des défilés devant ma fenêtre. L'adjudant devant qui gueule les ordres, les autres soumis derrière. Non. Non, là, dégage. Et du coup, il y a eu des formes d'opposition à ça, par exemple ? Oui. Mais il n'y a pas. Ils ne faisaient pas une manœuvre comme ça, course à pied dans la ville. C'est impossible. Parce que même défilé, c'est les cérémonies, donc 11 novembre, 8 mai, chaque fois, un groupe qui empêche le défilé, qui est roulement, normalement. Et coup de poing aux connards qui applaudissent les militaires. Hein. Voilà. C'est comme ça. Mais comme ça, parce que là, c'est comme ça, parce que... Même, une fois, c'était... je laissais de convaincre. Alors, le mouvement, les objecteurs disent... il faut renvoyer votre livret militaire. Tu sais, après, dans une armée, tu as un livret militaire. Et donc, je renvoie le livret militaire. Ça veut dire quoi de faire ça ? Renvoyer l'administration, c'est fini, il n'existe plus. Pour l'armée, parce que c'est... normalement, tu es censé le garder tout le temps. Voilà, oui. Mais, bon, même, moi, c'est... J'étais pas, comment ça s'appelle, mais en cas de guerre, tu es réserviste de l'armée, donc tu peux être appelé. Moi, j'ai fait trop de choses à l'armée, non, c'est pas. Voilà, j'ai renvoyé les livrets, les gendarmes sont venus à la maison, bon, pression, les assistants sociaux, sont venus à la maison pour dire attendez, vous êtes vous avez un enfant, ma copine aussi, votre attitude attention, parce qu'on peut retirer votre enfant. Tu vois? Même là. Tu vois, à ce niveau-là, quoi. C'était un truc impossible à faire, hein. Impossible. Parce qu'on habitait en ville, on n'est pas, pas habité la campagne, donc. On était en ville, quoi. Tu vois? Ça emmerdait tout le monde. Quoi. Mais autrement, il s'est continué aussi par rapport à la caserne de Valence, à l'époque. Les gens distribuaient des tracts à la porte aux soldats. Ils ont fait sortir les... Il y avait un mouvement soldats et des gens d'extérieur pour aider. Voilà. Moi, je ne fais pas ça parce que l'armée, ça va. Un an, je ne suis pas militant. Quoi. Voilà. Militant, c'est militaire. Pas pour eux. Mais nous, là, j'ai continué à discuter avec certaines personnes par rapport à la militarisation du territoire. L'importance que l'armée, par exemple les contrôleurs du ciel civils, ils sont soumis aux contrôleurs du ciel militaires. Parce que l'armée, ils ont priorité. Donc, par exemple, les télécommunications, l'armée gère ça. Il y a plein de choses qui gèrent. En France, gérées par l'armée. Par la centrale nucléaire, c'est géré par l'armée. Là, maintenant, non, c'est bon. Je sais pas, peut-être que ça continue, hein, ce travail, recherche. Ça continue, ce truc-là. Ouais. Moi, j'étais en contact avec eux. J'ai monté 2-3 fois pour voir, les voir, essayer de voir. Bon, bref. À Réunion, c'est l'époque me gonflait. Voilà. C'est pas un militant comme ça. Et est-ce que toi tu te considères comme un pacifiste? C'est une question difficile. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pacifiste, oui, je suis contre toutes les armées, toutes, même l'armée populaire, hein, contre. Mais. Contre toutes les armées, mais je suis pas non violent. Voilà. C'est différent. Mais je suis pas assez courageux. Parce que pour moi, non violent, les gens peuvent. Par exemple, je vais prendre un exemple rapide. Une manif interdite. Les non violents, dépêchent de passer devant. Ils avancent à distance du taser, du CRS. Ils restent là. Ils avancent. Et le CRS est obligé de tirer sur le. Ils s'en foutent. Hein. Non violent. Ils ne tapent pas. Donc une conscience avait énorme. Quoi. Tu vois, non violence active, parce que c'est pas un truc pacifiste. Quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut être courageux. Quoi. Imagine un peu à distance de flashball. Non, on continue. Tire, allez, vas-y. Aucune armée. Aucune armée, ça c'est important. Aucun chef. Aucun chef et aucune armée. L'armée populaire. Ah, c'est bon. Non, c'est une connerie ça. Voilà. Dans ton courrier un tout petit bout de papier bleu, blanc et rouge et imprimé avec dessus le mot armée. Et puis tu feras ta valise, mettras à 5 à 6 chemises, pas pour partir en Italie mais faire le con pour le pays. Auras un cœur gros comme ça, baisera ta femme une dernière fois, et tu passeras la barrière sans jamais regarder derrière. Ladies and gentlemen, derrière les murs de vos cités, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent. Et petit con, tu vas répondre à nos questions. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, tu fais des oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bon, on a déjà passé Castellémis la dernière fois qu'on a passé ce vieux camarade ouais. qui nous parle de ces jeunes gens et qui sont un peu du même pays puisque Castellémis est des Landes et puis notre camarade, je ne sais pas s'il reste anonyme. En fait, on ne lui a pas demandé l'autorisation Mais je pense qu'il sera très content de s'entendre. On peut outer une partie de son origine qui est du Pays Basque, oui. Bon, ça n'a rien à voir avec la question, puisqu'il est contre toutes les patries et tous les nationalismes, bien sûr. Et aussi, du coup, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes et je suis très content qu'on nous ait filé cette interview. Et qu'elle ait été montée, merci pour le montage, Dédé. Bon, alors évidemment, du coup, on a enlevé des bouts, mais voilà, ce sera notre sélection, quoi. De ce témoignage en deux parties. Et la première partie qu'on peut retrouver dans l'émission d'octobre. Et je vois que le temps passe. Et on avait prévu de rappeler un peu ce sondage, parce que notre ami, du coup, il dit à l'époque, protéger sa patrie, on s'en foutait. Il y avait des films antimilitaristes ou des films un peu révolutionnaires, où en fait, il y a quand même eu 68, tout ça. Du coup. Une fois qu'on avait fait le service, c'est bon, on voulait plus entendre parler d'armée. Et même à l'intérieur du service, on se gênait pas pour foutre le bordel. Mais il se trouve que, bah voilà, comme je disais en intro, il y a 57% des jeunes qui seraient prêts à s'engager en cas de conflit. Et en fait, ce pourcentage, il nous vient d'un sondage, d'une étude qui a été demandée par l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, et qui a été faite par Anne Muxel, qui est sociologue au CNRS. Et donc en fait ce chiffre il vient pas de nulle part, du coup il vient de ce sondage auprès de 2300 jeunes, donc apparemment en termes sondagiers et sociologiques c'est un gros échantillon, N égale 2300, c'est un gros échantillon qui pourrait être significatif, quoi. Et bon voilà, alors pourquoi cette étude? Parce que, citation de l'étude, elle fournit aux armées un cadre d'interprétation des attitudes et des opinions les plus significatives dans les jeunes générations au sujet de la guerre. Voilà, donc ça intéresse beaucoup l'armée de savoir ce que les jeunes pensent. À l'époque, en 73, les jeunes ils avaient l'air de s'en foutre un peu. En ce moment, ils s'en foutent un peu moins, quoi. Le patriotisme a l'air d'être reparti de plus belle selon ce sondage, hein. Alors du coup, il importe souvent de savoir comment sont posées les questions. Et du coup, si on regarde ces questions, par exemple, elles sont quand même assez significatives et te mettent vraiment bien dans l'ambiance, quoi. C'est-à-dire, par exemple, le graphique 36 et le graphique 37 de l'étude parlent de l'acceptabilité de différentes situations en contexte de guerre. Alors à la question « Pour défendre votre pays en cas de guerre, seriez-vous prêt à accepter les choses suivantes ?» Et alors là, accrochez-vous, hein, parce que du coup, on n'y va pas par quatre chemins. « Seriez-vous prêt du coup ?» Tout à fait prêt, peut-être prêt ou pas vraiment prêt ou pas du tout prêt. Seriez-vous prêt à entrer dans la clandestinité pour combattre l'ennemi? Seriez-vous prêt à tuer l'ennemi? S'engager dans l'armée pour combattre l'ennemi? Subir les conséquences d'un traumatisme psychologique? Alors on y était, hein, donc quand on lisait le tract sur la CCI, en fait on voit qu'il y a une grande proportion des personnes qui sont engagées, qui subissent déjà, en période de paix, entre guillemets, hein, qui subissent déjà les conséquences psychologiques d'être engagées, quoi. Seriez-vous prêt à être séparé de vos proches? Seriez-vous prêt à être torturé pour ne pas dénoncer vos camarades? À être gravement blessé physiquement? À dénoncer un proche passé à l'ennemi? à mourir au combat ou être prisonnier. Et donc les pourcentages de taux positifs de réponse, donc à savoir ceux qui seraient tout à fait prêts ou peut-être prêts, sont quand même assez grands. Par exemple, il y aurait 44% des jeunes interviewés entre 18 et 25 ans qui seraient prêts à dénoncer un proche passé à l'ennemi. Donc c'est quand même assez significatif de qu'est-ce que ça leur implique, quoi, la guerre. Voilà, on serait prêt à dénoncer des gens, on serait prêt à se faire torturer pour ne pas dénoncer, donc les deux à la fois. Et voilà, alors maintenant, moi j'apprends que le mot acceptabilité est un terme, a l'air d'être un terme sociologique, quoi, voilà, et qui veut dire ce qu'il veut dire, quoi. Comment on peut faire accepter la guerre et toutes ses conséquences aux jeunes, quoi. Donc tu m'étonnes que ça intéresse l'armée. On peut rajouter des choses aussi. L'étude a l'air assez complète puisqu'elle pose la question. Tout de go, elle pose la question de savoir l'utilisation de l'arme nucléaire. Seriez-vous tout à fait, pensez-vous qu'elle est tout à fait acceptable, acceptable dans certains cas ou jamais acceptable? Et à la question, alors la question elle est écrite en petit, selon vous, est-il acceptable pour un pays qui la détient d'utiliser l'arme nucléaire contre un autre pays en cas de conflit majeur? Alors à savoir ce que c'est un cas de conflit majeur, eh bien il y aurait 49% des sondés qui disent que ce serait acceptable, soit dans certains cas, soit tout à fait acceptable. Voilà, donc on est loin de ce que pouvait être l'opinion générale dans les années 70. Hein. Il nous a rappelé la loi Debré qui a mis un coup de pouce à l'antimilitarisme. La loi Debré, elle proposait de supprimer le sursis accordé aux étudiants pour qu'ils ne fassent pas leur service militaire, quoi, pour qu'ils y aillent tout de suite, quoi, si on leur supprimait le sursis. Et du coup, ça avait bien bougé dans les lycées à cette époque-là. Voilà, donc on pense que bah peut-être que l'antimilitarisme a besoin de se raffermir quand on voit ce sondage. Bah, oui, mais ce sondage, il est quand même truqué, par exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment une sociologue, son nom, est-ce qu'elle est vraiment... Sociologue, alors moi j'ai directrice de recherche au CNRS et directrice déléguée du CVPOF. Alors le CVPOF, c'est expliqué un peu plus loin ce que ça voulait dire, je ne me rappelle plus. Parce que par exemple, est-ce qu'elle pose, quand tu as lu la liste de questions, elle ne pose pas la question, par exemple, seriez-vous prêt à fraterniser avec vos frères prolétaires traités d'ennemis pour accélérer le processus de paix, par exemple? Combien de gens répondraient « Ah ben ouais, finalement oui, ça dépend ». Donc ce sondage est truqué parce que les questions sont truquées, en fait. C'est des questions qui sont orientées et c'est dommage. Alors si là, cette question n'est pas posée, on peut supposer que pour l'ensemble des questions, on pourrait trouver d'autres questions à poser qui feraient réfléchir les sondés plutôt que de leur poser des questions qui les abrutissent. Ces 2300 personnes ont été prises pour des imbéciles, quand même. C'est ça, peut-être que c'est à nous de poser les bonnes questions, et justement, celle-ci, la tienne, elle semble, en tout cas, elle nous conviendrait mieux, quoi, de poser cette question. Parmi les autres, ouais. Moi, je ne suis pas contre poser les autres questions aussi, mais autant poser les questions, l'ensemble des questions. Mm-hmm. Ou préférez-vous, avec votre majeur, faire des conflits ou faire d'autres choses, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, on va pas... Pardon. Eh ben oui, non, bah c'est bien. Attends, mais je voulais te lire la conclusion aussi. Ah, mais merci. Enfin, oui, parce que quand même, c'est un truc, parce que c'est une sorte d'étude militariste, hein, on va dire. Mais... Alors, bah, du coup, la conclusion de cette étude, l'un des enseignements les plus marquants... Ah oui, mais j'ai oublié de dire un autre truc. Ah. L'un des enseignements les plus marquants de cette étude est le constat de la vitalité des dispositions de la jeunesse française envers l'engagement, y compris l'engagement militaire, et l'éventualité d'une mobilisation dans des conflits armés de haute intensité. Donc non, il n'y a pas de fraternisation avec les frères prolétaires. On espère que ça relève plus de la méthode Coué que d'un vrai sondage. En tout cas, ce sondage est faussé, les questions ne sont pas équilibrées et sont biaisées. Mais on peut quand même en tirer une autre chose, parce que justement notre ami il parlait de la culture un peu antimilitariste qui était présente. Ce sondage, il nous dit quand même que en fait il y a une culture militariste, finalement si on lit entre les lignes, il y a une culture militariste, et en fait il parle de l'accès par exemple aux jeux vidéo ou aux séries télévisées ou aux films qui influence clairement mais qui aussi donne une proximité de l'appareil militaire envers les jeunes. Et par exemple elle parle de à cette série qui s'appelle Le Bureau des Légendes, voilà, et qui est clairement soutenue par la DGSE, en fait, cette série. Par les services de renseignement, oui. Ouais, voilà. Et qui a, paraît-il, incité des jeunes à venir se faire recruter aux services de renseignement. Voilà. Et ce qui incite, moi j'ai entendu ça sur une radio de service public, que l'armée était très intéressée pour des séries, justement devant le succès du recrutement suite au Bureau des Légendes, de dire mais nous aussi on met tous nos savoirs et tous nos experts au service des réalisateurs de séries pour bénéficier aussi d'une recrudescence d'engagement, quoi. Et oui, alors elle appelle ça, je me rappelle plus comment elle s'appelle, comment elle appelle ça. Et ben ça me reviendra peut-être plus tard, mais du coup on voulait un peu parler d'actualité peut-être en ben suivant. Oui, parce qu'il est 17h20 sur Radio Dio, alors parlons, ouais, de comme quoi la culture militariste n'est pas si répandue que ça, puisque moi je voulais vous parler d'un article paru dans La Brèche. Alors La Brèche, c'est ce journal qui d'enquête libre et indépendant, sans publicité ni actionnaire, spécialisé sur les sujets liés à l'écologie, la santé publique et l'impact de la technologie sur nos sociétés, parce que les trois sont intimement liés. Nous croyons en l'avenir de la presse papier qui apporte un confort de lecture. Loin du flot d'actualité continue, La Brèche prend le temps de s'ouvrir. Là, c'est le numéro de ce trimestre, de décembre, janvier, février 2025. Février 2025, oui. Donc il est toujours en kiosque, je pense qu'on le trouve à Saint-Etienne aussi. Moi je l'ai pas trouvé à Saint-Etienne, mais si on le trouve on le trouve en vente dans des librairies, ouais, et en kiosque aussi, ouais. Voilà, donc ce numéro vous pouvez l'acheter, vous pouvez vous le procurer. Il y a plein d'articles, dont pour ce qui concerne la radio, un article: la radio aussi se numérise, la bande FM va mourir à petit feu, voilà, sur différents sujets. Ah tiens, c'était le sujet du CA de Radio Dio hier. Ah bah voilà, donc on va passer au DAP plus ou pas. On est vraiment dans l'actualité. Beaucoup d'articles aussi sur ce qui se passe à l'étranger, en Indonésie, par exemple. Et là, l'article dont je voulais vous parler, et qui est, puisqu'on est dans une émission antimilitariste, voilà, s'appelle « Guerre et extractivisme en RDC, en République démocratique du Congo. La jeune diaspora relance la résistance. » Résistance à la guerre, bien sûr. Depuis 30 ans, la province à l'est de la République démocratique du Congo est sous l'emprise de violents conflits armés, donc depuis 30 ans. Touchée par la forte escalade des affrontements ces deux dernières années, une nouvelle génération de militants et militantes congolaises s'organise pour dénoncer les massacres, les viols et les destructions qui minent le pays. Marches, rassemblements, événements caritatifs, aide humanitaire, formation, plaidoyer. Ils et elles luttent sur tous les fronts pour sortir de ce « génocide », entre guillemets, puisque le terme est utilisé par les activistes, mais non reconnu par les institutions internationales, qui parlent plutôt de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'est ce génocide du silence, mobiliser la diaspora et faire pression sur la communauté internationale. On voit que cette diaspora n'est pas du tout militariste, et donc je vais vous lire quelques passages de l'article. Dernière grosse action en date, l'appel au boycott de l'iPhone 16 à l'occasion de la sortie du nouveau smartphone d'Apple. Ces rassemblements ont été visibles, donc il y a eu plusieurs rassemblements l'automne dernier, ces rassemblements ont été visibles dans une vingtaine de pays en Europe, aux États-Unis, au Japon et même en Australie. Une ampleur internationale inédite selon les militants et militantes. Objectif de la mobilisation, dénoncer l'extractivisme meurtrier du coltan et d'autres minerais utilisés dans la fabrication des smartphones et des appareils numériques. À Paris, près d'une dizaine de collectifs se sont donné rendez-vous sur le parvis face à l'Apple Store d'Opéra. Sur les affiches, dans les slogans, les mots sont durs, à l'image de la violence qui ensanglante le pays. Apple assassin, l'iPhone tue, ne soyez pas complices du génocide. Signe de cette résurgence militante, plusieurs associations présentes ont nouvellement été créées. La RDC face au reste du monde. On est là pour faire un coup de force et sensibiliser les gens. Le confort des uns ne doit pas coûter la vie des autres, explique Moïse, membre de Congo Téléma, l'association organisatrice du Rassemblement parisien. Et une autre citation d'une militante. Il faut que le monde sache l'impact de ces objets sur la vie des Congolais. Il y a le sang de nos frères et de nos sœurs et de nos enfants dans ces téléphones. Et pas que, dans tous les objets électroniques du quotidien, rappelle Baseli, cofondatrice de la coalition Team Congo à l'origine de la campagne de boycott. Voilà, moi je vous laisserai lire le reste de l'article si vous achetez La Brèche ou si vous le trouvez sur... Super, merci. Et... il me semble qu'il y a une association lyonnaise qui s'appelle Génération Lumière qui essaye de faire ce lien justement entre l'utilisation des smartphones ou l'existence des smartphones et la rapacité de groupes paramilitaires ou tout simplement capitalistes dans le Kivu et justement la rapacité par rapport à ces minerais, quoi. Voilà. Voilà. Et puis bon, on est plusieurs à se dire qu'on achètera un iPhone quand il y aura plus de capitalisme et de guerre. Voilà. Donc voilà, vous pouvez rejoindre le mouvement de pas d'iPhone avant la fin du capitalisme et de la guerre. On verra après. C'est sûr, on est gourmand et quelque chose existe, on a envie de l'avoir, mais bon, on peut aussi dire non. Ouais. J'irai pas. J'irai pas dans l'Apple Store. Voilà, et effectivement, du coup, je ne sais pas si dans le reste de l'article, il parle des chiffres, mais c'est hallucinant, quoi. En fait, c'est des millions de morts depuis 30 ans qui ensanglantent la région, quoi. Du coup, Alors, figure-toi que dans le reste de l'article, parce que la République démocratique du Congo est un pays très grand, je n'ai pas la superficie, mais je crois que c'est 4 fois la France. Oh, ok, et qui dit donc la guerre actuelle concerne l'Est, mais le reste du pays continue à vivre, et le reste de l'article insiste aussi sur le fait qu'il y a plein d'endroits au Congo qui sont en paix et voilà où ça on peut y aller et puis rencontrer les gens et créer des liens ou okay. les accueillir dans notre beau pays. Super. Bah merci pour du coup ça c'est l'actu un peu international et peut-être localement il nous reste 4 minutes même pas. On avait prévu de parler de Vernet Caron puisque le 31 janvier donc la semaine dernière il y avait un article dans le Progrès du coup à Saint-Thé qui titrait chômage partiel trésorerie en berne Vernet Caron a besoin d'un repreneur. La situation financière est désormais extrêmement tendue chez l'armurier stéphanois. Ah bon, mais en fait, c'est bizarre parce que dernièrement, il nous parlait d'un super contrat à 36 millions pour aller vendre des fusils en Ukraine. Bah non, apparemment, des mesures de chômage partiel relativement importantes ont été déployées depuis décembre dernier, de l'ordre de 30 à 40% selon la direction et plutôt 50% selon la CGT, unique syndicat représentatif de l'entreprise. Donc c'est la CGT est très très inquiète, hein, du coup, qu'il y ait du chômage partiel. C'est désastreux pour le moral des salariés. Jusqu'ici, l'entreprise fonctionnait un peu avec un modèle de patriarcat qui a maintenu une forte solidarité entre les salariés. Mais jusqu'à quand ? Voilà, alors notre ami nous parlait de faire un syndicat dans l'armée. Il était contre. Bah, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que la CGT... La CGT armurerie, la CGT flashball, la CGT mutilation des manifestants. Non, ça c'est un peu trop méchant. Mais du coup, est-ce qu'il faut sauver ces emplois quoi, de fabrication de flashball c'est une question qu'on pourrait poser aussi dans les sondages, dans les sondages de sociologues. Ben oui, parce que sans doute que les syndiqués préféreraient faire, et puis tous les ouvriers et les ouvrières de ces usines préféreraient sans doute faire autre chose que de fabriquer des armes. Et c'est sûr que les contrats de travail ne sont pas vraiment libres. Quoi. On n'a pas forcément l'occasion de dire non quand on a une famille à nourrir ou besoin d'argent. Quoi. Ouais, quand on habite à Saint-Étienne, c'est sûr que là, il y a du travail dans l'armement. Quoi. Eh ben, de moins en moins, tant mieux. De moins en moins, voilà. Paraît-il. Voilà, mais du coup, ça alarme quand même. Ça alarme quand même les syndicats. Mais il se trouve que il y a les patrons des boîtes d'armement se sont retrouvés au SHOT Show de Las Vegas. Donc eux, peut-être qu'ils n'ont pas trop de problèmes à aller à Las Vegas. Et ils se sont rencontrés pour dire oh là là, mais alors qu'est-ce qu'on va faire de Vernet Caron ? Peut-être que le groupe belge Browning. Du coup, les fabricants de flingues, hein, peut-être qu'ils peuvent être intéressés. Ou alors le groupe, l'entreprise de Saint-Just-Saint-Rambert, Rivolier, donc, qui est juste à côté, qui équipe déjà les polices municipales de toute la métropole, quoi, enfin, de beaucoup de polices municipales des petites villes. Et ben, peut-être qu'eux, ils seraient intéressés, mais ils disent qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que Hugo Brugière, du coup, qui est le PDG de Cybergun, qui a racheté Vernet Caron. Donc nous ne souhaitons pas faire de deal avec Hugo Brugière, nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Mais alors les mêmes valeurs, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, il y a le journal Street Press qui a épinglé, enfin qui a trouvé que des ambassadeurs de Vernet Caron, alors là c'est un article qui date d'hier il me semble, sur streetpress.com, et il titre « Comment le fabricant d'armes français Vernet Caron a armé, virgule, sans faire exprès, des néo-fascistes chasseurs ». Alors le titre, il est un peu racoleur, mais en fait, il nous explique que pendant quelques années, avant de se faire virer, il y avait un groupe de chasseurs du Pila qui était ambassadeur Vernet Caron, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la pub pour les flingues et pour les armes de Vernet Caron. Et ben en fait, il se trouvait que ce petit groupe de chasseurs avait des accointances très très fortes avec des groupes néo-fascistes, et du coup, ils se montraient régulièrement sur les réseaux sociaux avec des symboles complètement nazis et des saluts très douteux. Voilà, donc ça, peut-être ça ternit les valeurs de Vernet Caron, mais ils expliquent qu'ils sont devenus, ils ont supprimé le fait d'être ambassadeurs à ce groupe-là en particulier. Mais bon, il se pourrait qu'on en trouve d'autres. Oui, n'hésitez pas à contacter l'émission si vous avez des pistes. Et peut-être si vous êtes syndicaliste à la CGT dans ces usines aussi, et ben voilà, on peut en parler aussi. Hein. Là, c'est vrai qu'on était un peu tranchant, quoi. Oui. Mais c'est clair, oui, on peut causer et se dire, bah voilà, en fait. Quelle reconversion, comment quand même avoir des sous et de quoi vivre sans fabriquer la mort. Waouh. Oui, bah voilà. Ouais, c'est ça peut être une adresse aux syndicalistes qui nous écouteraient à propos de cette usine ou de Safran ou de plein d'autres boîtes d'armement dans le coin. Et on est en train de dépasser allègrement, mais on nous avait conseillé l'écoute d'une émission des Pieds sur Terre. Alors les Pieds sur Terre, sur France Q, non? C'est ça, ouais, ouais. À 13h30, de 13h30 à 14h, du lundi au vendredi. Et ben là, on nous avait conseillé l'écoute, on a écouté un petit bout, mais justement, c'est sur des jeunes qui ont quitté l'armée. D'ailleurs, c'est le titre de cette émission, Les Pieds sur Terre, du 24 janvier 2025, Quitter l'armée, où on voit le témoignage de deux personnes, Victor et Louis, qui sont entrés dans l'armée, mais qui n'y sont pas restés. Le premier s'est décidé après plusieurs mois de harcèlement homophobe, et le second, quand il a observé la manière dont les chiens y étaient dressés. Voilà, donc c'est un témoignage, deux témoignages du coup à écouter sur Les Pieds sur Terre. Et par rapport à la vigueur de l'antimilitarisme en France, ça fait partie des émissions les plus écoutées, quoi. Les Pieds sur Terre en général, et puis celle-ci aussi en particulier. Et ben voilà, du coup on peut vous la conseiller. Et alors avant de se quitter, on va quand même passer une chanson, on va dépasser un petit peu, mais du coup juste après, à 18h, on va entendre Cours, le vieux monde est derrière toi. Du coup les copines qui suivent dans l'émission, alors elle est sous-titrée Planète adolescente, une émission de jeunes qui parle aux jeunes et qui est faite par les jeunes. Restez à l'écoute sur Radio Do. Restez à l'écoute. Radio Do. On radote là. Hein, on radote. Ouais. on va se quitter en se disant à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Watch out! Watch out!